Je suis malheureux sans toi. Malheureux sans toi. Ne te remplace pas, il y a rien à faire, rien à faire, il y a rien à faire, je t'aime, et voilà, il y a rien à faire, j'ai beau essayer. Et y'a que toi qui compte tant que ça compte pour moi, qui compte. Y'a rien à faire, j'ai beau essayer, et y'a que toi que j'aime comme ça. Y'a rien à faire, pourquoi on ne se voit pas? Y'a rien à faire, tu. Et moi, y a rien à faire. Y a rien à faire. Comment faire pour réparer tout ça? Pour réparer tout ça. Y'a rien à faire, y'a rien à faire. Ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Sauve-moi, sauve-toi. Y'a rien à faire, y'a rien à faire. Y'a rien à faire, y'a rien à faire. Rien à faire, rien à faire, rien à faire. Y'a rien à faire, je suis malheureux sans toi. Y'a rien à faire, tu me manques et puis voilà. Et y'a rien à faire, je suis malheureux sans toi, y'a rien à faire, je suis malheureux sans toi, y'a rien à faire, je t'aime et puis voilà, y'a rien à faire.